Chapitre 2. Invasion des Scènes. Arrivée d'Arcus en Carmélide. Enfance de Galéchin, de Gauvin, Agravin, Guire et Gaëriette. D'Yvain le Grand et Yvain la Voutre. De Sagrémort de Constantinople. Les 11 rois, déconfits pour la seconde fois par Arthus, avaient recueilli les débris de leur armée dans la ville de Sorho, qui appartenait au roi Urien de Galles. Ils y furent reçus par Bodémagus, neveu d'Urien. Mais à peine arrivés, la nouvelle se répandit de l'entrée des Seines dans la Cornouaille et dans l'Orcanie. Les Seines, ou Saxons, étaient conduits par les rois Brangor, Morgan et Hardibran ou Argodabran, anciens vassaux de Hengist. Ils avaient déjà commencé le siège du château de Vandebière sur les marches de Cornouailles. Comment les rois résisteront-ils aux païens et aux fils du Terpin Dragon? Comment espérer une paix honorable de la part du suzerain qu'ils ont méconnu? Les princes sur lesquels ils auraient pu compter étaient eux-mêmes obligés de se défendre dans leurs terres. Ainsi, le roi Léodagan de Carmélide soutenait difficilement la guerre contre le puissant roi Rion. Le roi Pelé de Listenois était retenu près du roi Pélinor, son frère, obligé d'attendre, pour recouvrer la santé, l'arrivée de celui qui devait mettre les aventures du Graal à fin. Son autre frère, Alpharzan, partageait le sort et les lointaines espérances de Pélinor. Quant au roi de Sorelois, à Branguin de l'île perdue, à Amadorian et Clamadès, ils avaient grand-peine à se défendre de Galgo, le fils de la géante des lointaines îles, qui réclamait l'hommage de leur terre. Mais les regrets ne servaient de rien. Tradélinan, roi de Norgal, fit aisément comprendre qu'après les récents désastres, il ne pouvait penser à livrer une bataille décisive aux Seines, qu'il valait mieux garnir les villes frontières et de là harceler l'ennemi, l'empêcher de renouveler ses provisions, jusqu'au moment où, la faim venant à les tourmenter, on pourrait les attaquer avec avantage et les contraindre à vider le pays. En conséquence, Idier, roi de Cornouailles, s'enferma dans Nantes, vers la limite du royaume de Bretagne. Il est impossible de ne pas voir dans ces indications si confuses des lieux une nouvelle preuve des remaniements qui ont entièrement fait perdre la trace de ces localités. Comment Lot est-il en même temps roi d'Orcanie, de Léonois et d'une partie de Cornouailles? Comment, dans la Cornouaille, une ville de Nantes en Bretagne? Il faut renoncer à démêler ses écheveaux et se contenter de répéter que les légendes de l'Armorique croisent constamment dans nos récits celles de l'île de Bretagne. Nantre de Garlo, dans Vuitzan, autre frontière de Cornouailles. Lot, dans la ville de Galonne. Clarion de Northumberland, dans Belland. Le roi des Cent Chevaliers, dans Malehaut, qui n'était pas de son domaine, mais appartenait à une gentille dame dont on parlera beaucoup plus tard. Tradélinan défendit sa ville de Norgal, assez voisine de la roche aux Seines, où se tenait Camille, sœur d'Argodabran, la plus habile magicienne de ce temps, après Morgane, sœur d'Arthus, et après Viviane, qui devait apprendre de Merlin tous les secrets de la nature. Caradoc se rendit dans Estrangor, également voisine de la roche aux Seines, et à Gisèle d'Écosse dans Gorange ou Corange, grande et riche cité à 20 lieues écossaises du château de Vandebière, qu'assiégeaient les Seines. Au folio 112, Vandebière est en Cornouaille, ce qui ne s'accorde guère avec les distances assignées. Le duc Escan garnit la ville de Corbenic ou Cambenic, plus rapprochée de la roche aux Seines, et d'Arondel, que le roi Arthus avait déjà mise en bon état de défense. Urien resta dans sa ville de Sorhos, à 10 journées de Vandebière. Telle fut la disposition de défense des 10 ou 11 rois confédérés contre l'invasion des Seines, dont ils arrêtèrent la marche, sans même essayer de leur reprendre la roche aux Seines ou de les obliger à lever le siège de Vandebière. Que faisait cependant le roi Arthus? Il avait, d'après le conseil de Merlin, quitté sa ville de Logres et, dans la compagnie des rois Ban et Bohor, il était allé, comme simple chevalier d'aventure, demander des soudés au roi de Carmélide, Léodagan, que pressait alors vivement le terrible roi Rion de l'île aux géants et de la terre aux pâtres. L'île aux géants, c'est le Danemark, et la terre aux pasteurs est l'Islande ou la Norvège. Rion, après avoir obligé 29 rois à lui sacrifier leur barbe, dont il avait fourré son manteau royal, tenait à raser le menton de Léodagan, et c'est pour obtenir cette glorieuse toison qu'il avait envahi la Carmélide. À l'exemple du romancier, nous laisserons ici le roi Artus et le roi de Carmélide pour nous occuper de ces jeunes neveux appelés pour la première fois à paraître sur la scène qu'ils rempliront plus tard de l'éclatante renommée de leurs aventures. Nous avons dit que le roi Nôtre de Garlo avait épousé une des sœurs consanguines d'Artus. Cette dame se nommait Blasine, fille d'Igierne et du duc Hoël de Tintagel. De leur mariage était né le gentil Galéchin, qui touchait alors à sa 16e année et devait figurer un jour parmi les 250 compagnons de la table ronde. Un beau matin, Galéchin s'en va dire à sa mère. « Belle-mère, n'êtes-vous pas fille de la duchesse de Tintagel et sœur de ce roi Artus qui vient de mettre en fuite les 11 rois avec un petit nombre de gendarmes ?» Blasine répondit en pleurant. « Assurément, beau fils, le roi Artus est votre oncle et mon frère. Il est même de la proche parenté de votre père, le roi Nôtre, comme je l'ai souvent entendu dire à votre aïeule, la reine Igierne. S'il est ainsi, reprit Galéchin, je ferai tant que mon oncle Artus me ceindra lui-même l'épée de chevalier, et j'entends ne jamais me départir de sa compagnie. » Cela dit, l'enfant retourne à sa chambre, mande un messager et le charge d'aller prier de sa part Gauvenet, le fils aîné du roi Lot, de se trouver le 3e jour de la semaine de Pâques à la Neuve Ferté, dans la forêt de Bredigan, où il viendra de son côté pour lui parler d'une importante affaire. Le manuscrit 747, folio 107, 5e, écrit Brocéliande. C'est peut-être une erreur, ou plutôt une suite de la confusion des traditions gallo-bretonnes et armorico-bretonnes. Vous savez aussi déjà que le roi Lot avait 4 fils, sans compter Mordrette, dont le véritable père vous est également connu. Ses 4 fils, on les nommait Gauvin, Agravin, Guire et Gaériette. Un jour revenait de la chasse le jeune Gauvenet, vêtu d'une robe de fort bureau, telle qu'écuyer pouvait la porter en hiver. Il conduisait en laisse 2 lévriers et était suivi de 2 brachets. Gauvenet était beau et de haute taille. Écoutez le don qu'il avait reçu en naissant. Il se levait un des bons chevaliers du monde. À 6 heures, sa force doublait, elle quadruplait à 9 heures. Quand sonnait midi, il revenait tel qu'il s'était levé pour voir ses forces doubler à nonne et redoubler à vêpres jusqu'au milieu de la nuit. Telle était la nature de Gauvenet. Sa mère était assise près d'une cheminée devant un grand feu. Elle songeait tristement au baron qui refusait de reconnaître le roi Artus, à l'invasion des Seines, au danger que la terre de Bretagne courait d'être à jamais asservie aux mécréants. Gauvenet, voyant les larmes qui couvraient le visage de sa mère, « Belle-mère, lui dit-il, pourquoi pleurez-vous ainsi ?»« N'en ai-je pas, reprit la dame, grand sujet ? Je vous vois le temps user en folie, quand vous devriez être déjà chevalier et porter les armes à la cour de votre oncle, le roi Artus. » Vous ménageriez ainsi la paix entre votre père et votre oncle, car n'est-ce pas au baron grand orgueil et grand tort de refuser de reconnaître Artus pour continuer une guerre que le seigneur désapprouve, comme il est aisé de le voir aux malheurs qui en sont venus? Pendant qu'ils se laissaient vaincre par Artus, les Seines entrent dans leurs terres et mettent tout en charbon, et vous, au lieu de chercher à les accorder, perdez votre temps à courre les lièvres dans la plaine. Comment, belle-mère? Reprend Gauvin, est-il vrai que le roi Artus soit votre frère et notre oncle? N'en doutez pas, beau fils. Et tout de suite, elle raconte comment Artus fut conçu, nourri chez Antor, reconnu par Merlin, par Ulfin, par l'archevêque, comment il accomplit l'épreuve du perron. Puisqu'il en est ainsi, dit Gauvin, ne pleurez plus, belle-mère, par la foi que je vous dois, je n'aurai de haume en tête et d'épée au flanc, sinon de la main du roi Artus. Je veux aller à l'ogre avec mes frères pour recevoir de lui mes armes et lui porter aide envers et contre tous ceux qui le voudraient abaisser. Ce n'est pas moi, beau fils, qui vous en détournerai, car mon seul espoir est dans le bon accord du roi mon époux et du roi mon frère. » Alors entrèrent dans la salle Agravain, Guire et Gaëriette. La reine leur raconta son entretien avec Gauvenet. « Certes, beau frère, dit Agravain, vous devez avoir ici le premier blâme. Vous êtes notre aîné. C'est à vous de nous présenter à la cour du roi Artus, au lieu de nous conduire à la chasse. Ne nous laissons pas prendre au piège comme les petits oiseaux. Les scènes sont à une journée d'ici. Comment les chasser de nos terres sans l'aide du roi Artus ?» Gauvain ne blâma pas son frère de parler ainsi. « Il n'y a plus, dit-il, qu'à nous préparer. Nous partirons à 15 jours d'ici. Ne vous embarrassez de rien, beaux enfants, dit la mère. Je disposerai vos armes et vos chevaux. Vous n'aurez qu'à monter et mouvoir en la garde et protection du Seigneur Dieu. » Le lendemain de cette grande résolution, Gauvenet reçut le message de son cousin Galéchin, lui assignant un rendez-vous à la Neuve Ferté, dans la forêt de Brédigane. Gauvenet répondit à cet appel, et le troisième jour de la semaine de Pâques, les quatre frères se trouvèrent à la place indiquée. « Beau cousin, dit Gauvenet à Galéchin, je n'ai pas voulu manquer à ce que vous désiriez. Cependant, j'avais en pensée un autre voyage, que j'ai le plus grand désir d'accomplir. « Sire, dit Galéchin, où voulez-vous donc aller ?»« Je veux, dit Gauvenet, aller servir le plus preux, le plus large, le plus franc, le plus doux et le plus prisé de tous les chevaliers du monde. Oh, « Oh, reprit Galéchin, dites-nous le nom de ce chevalier. Par aventure est-il celui dont j'allais vous parler ?»« Son nom, dit Gauvenet, n'est pas de ceux qu'on craint de prononcer devant Prud'homme. C'est Monseigneur Artus, notre oncle, auquel les barons de cette terre font une si mauvaise querelle. Et sachez que je ne porterai jamais autre épée que celle que je tiendrai de lui. » À ces mots, Galéchin court à Gauvenet les bras ouverts. « Le parlement, dit-il, que je vous avais demandé n'était à autre fin que de chercher ensemble comment nous pourrions aller trouver le roi Artus et lui demander des armes. » Les enfants, après s'être joyeusement séparés, firent tant, chacun de leur côté, qu'ils parvinrent à réunir 700 écuyers avec lesquels ils se mirent en marche et arrivèrent sur les terres que les Seines commençaient à ravager. À l'entrée du royaume de l'Ogre, ils croisèrent un convoi de provisions que 3000 mécréants conduisaient à la roche aux Seines vers Arondel. Leur parti fut bientôt pris. Ils résolurent de mourir ou de reprendre la proie. « Or paraîtra, dit Gauvenet, qui preux sera, car nous sommes dans notre héritage et nous défendons notre droit contre ceux qui gâtent et pillent ce qui est nôtre. » Les 3000 Seines ne résistèrent pas à la furie des 700 écuyers. Gauvenet, armé d'une hache, car il n'avait pas encore le droit de porter épée, répandit partout devant lui la terreur. Les Seines furent tous tués, sauf quelques fuyards qui portèrent au camp la nouvelle du désastre. Aussitôt les païens s'armèrent et accoururent sur le champ de bataille. Ce fut pour compléter le triomphe des 5 jouvenceaux. Le récit de ce double combat prend dans le roman tout le développement que méritait le premier exploit de Gauvain, présage de tout ce qu'on devait attendre par la suite de lui, de ses frères et de leur cousin Galéchin. Les citoyens de l'Ogre, survenus à temps pour achever la déroute des Seines, ramenèrent les enfants en triomphe, et Gauvenet, ne trouvant pas dans la ville le roi Artus, qu'ils y venaient chercher, pensa que le mieux était d'y séjourner pour la mettre à l'abri de toute entreprise et harceler les Seines répandues dans la campagne. Pendant ce temps, un autre neveu d'Artus prenait une résolution pareille à celle de ses cousins. C'était le jeune Yvain, fils aîné du roi Urien et d'Hermesan, autre sœur du roi Artus. Yvain avait un frère, bon chevalier, mais plus orgueilleux et moins prud'homme. Il se nommait Méléagant, et le livre de Lancelot en parlera longuement. Le roi, leur père, en tenant la campagne contre les Seines, les avait chargés de défendre la ville de Sorhos, de concert avec un autre Yvain surnommé Lavoutre, que le roi Urien avait engendré de la femme de son sénéchal. Cette dame avait été de grande beauté, tel avait été l'amour du roi pour elle, qu'il était demeuré 5 ans séparé de la reine, sa femme, et que, pour l'obliger à la reprendre, la terre avait été mise en interdit. Il lui fallut donc abandonner la femme de son sénéchal, mais il ne perdit pas de vue l'enfant qu'elle avait mis au monde, et, le voyant croître en valeur et beauté, il l'avait fait nourrir avec son fils aîné et lui avait donné de bonnes terres, desservies par une nombreuse ménie. Pour le premier Yvain, qu'on distinguait de son frère Avoutre ou Bâtard, par le surnom de Grand, il était de beauté et déjà de force merveilleuse. Dès qu'il avait entendu parler des prouesses de son oncle Artus, il avait refusé de prendre des armes de la main de son père et de tout autre, et souvent il lui arrivait de dire à son frère Yvonnet l'Avoutre qu'il ne porterait jamais d'épée s'il ne la tenait d'Artus. Les nouvelles arrivèrent alors de la chevauchée de Gauvenet avec ses frères et Galéchin, de la proie qu'ils avaient enlevée aux Seines et de leur séjour dans la ville de l'Ogre. Yvonnet le Grand alla trouver aussitôt la reine Hermesan. « Belle-mère, dit-il, voilà mes cousins qui sont allés à la cour du roi Artus pour demander des soudés. S'il vous plaisait, je suivrai leur exemple et tâcherai de les rejoindre. Vous savez que mon père s'est engagé à donner la terre qui venait de lui à son neveu Baudémagus. Celle que vous lui avez apportée en mariage doit me revenir. Laissez-moi, je vous prie, belle-mère, joindre mes cousins et tenter comme eux de combattre les mortels ennemis que nous ne pouvons espérer de chasser sans l'aide du roi Artus. Mais quoi qu'il puisse arriver, belle-mère, je ne ferai rien contre votre volonté et s'il vous en pèse. » La dame, en entendant ainsi parler son fils, ne put retenir ses larmes de tendresse et de joie. « Cher Yvonnet, beau fils, dit-elle, où avez-vous pris le cœur et la volonté de me délaisser pour un homme que vous ne connaissez pas ? Ah, mère, tout ce qu'en disent les prud'hommes m'avait déjà averti que le roi Artus est votre frère et mon oncle. Je serais donc bien avili si je restais dans une terre où je ne puis tenter la moindre prouesse, quand mes cousins combattent les Seines et défendent la terre de l'Ogre. Eh bien, je consens à votre départ, mais agissez secrètement, et que votre père n'en sache rien. Avisez à vous procurer des compagnons, et je me chargerai de vos robes, de vos chevaux, de vos armes et des deniers dont vous pourrez avoir besoin. Grand merci, belle-mère, fit Yvonnet. Sans perdre temps, il s'en va trouver Yvonnet l'Avoutre et le voit heureux de l'accompagner. Le départ est remis à huitaine, et cependant ils réunissent 300 écuyers disposés à former leur ménie. Le jour venu, ils se lèvent après le premier somme, à l'heure de minuit, et se mettent à la voie dans la direction de l'Ogre, où nous ne tarderons pas à les retrouver. On ne manquera pas de remarquer ici que tous nos jouvenceaux sont inspirés de l'âme et du cœur de leur mère, que celles-ci ont la souveraine influence sur leur résolution. Il est vrai qu'elles sont les sœurs d'Artus, quand même un secret lien plus puissant ne les attache pas à lui. Mais il n'en faut pas moins reconnaître la part d'influence que les femmes avaient alors dans leur maison et sur leurs enfants. Quant à l'histoire du sénéchal du roi Urien et de la mère d'Yvonnet l'Avoutre, c'est apparemment une sorte de variante du lait primitif qui sera bientôt développé en faveur de la sénéchale de Carmélide et de sa fille, la seconde Guenièvre. Un autre jouvenceau, destiné à d'aussi grandes aventures, se mettait dans le même temps en chemin pour obtenir d'Artus l'adoubement de chevalerie. C'était l'héritier de l'Empire de Constantinople, le petit-fils de l'empereur Adrien, dont il devait recueillir le grand héritage. Adrien n'avait eu que deux filles, l'une épouse du roi Brangor, l'autre veuve d'un roi de Hongrie et de Valachie, qui lui avait laissé un fils d'excellente beauté et de grand cœur. Sagremort, ainsi l'appelait-on, ayant entendu parler de l'avènement, de l'élection et des premières victoires d'Artus, s'était dit que, si un tel prince lui donnait ses armes, il le rendrait nécessairement plus preux, plus loyal et plus hardi. Dès lors, sourd à toutes les instances de son aïeul, l'empereur Adrien, il avait déclaré vouloir passer la mer, aborder en Grande-Bretagne et recevoir l'accolade de la main du roi Artus. Il fallut céder. Une nef de grande richesse fut équipée. L'enfant Sagremort prit congé de la reine, sa mère, et de l'empereur. Après une traversée favorable, il atteignit le rivage breton au moment où Galéchin, Gauvin et ses frères faisaient leurs premières armes contre les Seines, ainsi que nous venons de le raconter. Nous les laisserons les uns à la descente du vaisseau, les autres dans les hôtels de la ville de l'Ogre, jusqu'à ce que l'occasion se présente de les remettre en scène. Passons en Carmélide, où viennent d'arriver 3 écuyers dont personne ne devine le nom ni le rang, et qui ne sont rien moins que les trois rois, Artus de l'Ogre, Ban de Benoïc et Bohor de Gannes.